Il se prépare pour la grande visite demain parce que c'est rare que le match de hockey coast to coast est présenté à Chicoutimi. On en parle avec Sébastien Morin parce que demain, c'est le défi Subway. Le premier match d'ailleurs aura lieu entre le Québec et l'équipe de la Russie aura lieu demain soir à Saint-Jean-Vésinat. Salut Sébastien. Salut Denis. Tout d'abord, c'est la Super Série Canada-Russie CBC maintenant. OK, Ça a c'est changé plus de Subway. commanditaire depuis 2 ans exactement, oui. OK, puis j'ai encore toujours la... C'est pas grave. C'est pas très grave. Ça va donner une petite plug à nos amis qui vendent de très bons sous-marins. Dis-moi, est-ce que ça demande plus de préparation quand c'est un match qui est présenté coast to coast? Ben, c'est pas le fait que ce soit présenté coast to coast, je pense. C'est Ouais. plus le type d'événement. C'est une rencontre internationale entre l'équipe nationale russe ou du moins quelque chose qui va ressembler à 80-90% à ce qui va défendre les couleurs russes au prochain championnat mondial junior au fait. Puis bon, ben, il va y avoir peut-être 3, 4, 5 joueurs de l'équipe Québec qui seront dans l'équipe Canada junior au fait contre ces mêmes Russes qui sont presque en totalité présents à partir de demain à Chicoutimi pour le match de demain soir à 19h au Centre Georges Vézina. Ça, c'est gros. À partir de maintenant, il y a un cahier de charge qui est déposé par la Ligue canadienne de hockey slash la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu réponds au questionnaire, tu t'organises pour donner ce qui est demandé là-dedans. Puis au moment où ces gens-là débarquent dans l'aréna, ben, tu perds le contrôle, tu deviens des employés de la Ligue canadienne ou de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et c'est eux qui prennent les décisions finales, surtout ce qui va se passer à partir de demain pour le match, le grand match entre les Russes et l'équipe étoile de la LHGMQ. Les billets, comment ils se vendent? T'as-tu Ben, des... ça va relativement bien. Peut-être si on avait rechangé quelque chose, ce serait à donner les sièges parce que à cause de notre système de billetterie, il a fallu vendre des billets à admission générale. Parce qu'au moment où on devait mettre les billets en vente, on n'était pas capable de bloquer des billets à cause d'un problème informatique puis des décisions qui venaient de la Ligue canadienne de hockey sur les sièges qu'eux prenaient. Donc, on n'a pas eu le choix de mettre ça en vente en admission générale et on n'a pas renversé ça dans le processus. Donc, il n'y a pas d'urgence pour les gens pour avoir un siège précis. Ce sera premier arrivé, premier servi demain, à part 3 sections qui seront fermées pour les gens de la Ligue canadienne. Donc, ça nous aide pas à savoir combien il va y avoir de billets de vendus. Moi, je pense que présentement, on doit être autour de 2000. On devrait avoir une bonne porte demain. Pas loin de 3000, ça pourrait être plausible là, pour le match de demain soir au Centre Georges Vézina. On aurait aimé y avoir plus, mais dans les circonstances, je pense que ce sera très bon. Ailleurs, comme ici, parce que faut dire qu'auparavant, ça commençait au Québec puis ça finissait dans l'Ouest, mais là, Exact. t'as pas eu de nouvelles? Là? Comment Ben, ça? dans l'Ouest, tu sais, à Edmonton, ils ont Ouais. eu plusieurs spectateurs. Il y a eu des... non, effectivement, dans l'Ouest, ça a mieux été. Peut-être dans l'Ontario aussi. Au Québec, bon, Baie-Comeau, je pense qu'ils ont 2 500 billets de vendus de leur côté. Ils en ont un peu plus, mais à un moment donné, ils vont stagner parce que, bon, le marché n'est pas aussi grand. Chicoutimi, c'est un potentiel, mais bon, le début de saison des Sags n'a pas aidé à vendre beaucoup de billets des Saguenayens. L'organisation, tu sais, on veut bien vendre des billets pour le Canada-Russie, mais il faut penser à notre saison ou à nous Ben autres aussi, oui. des Saguenayens en même temps. Faut pas se cannibaliser à quelque part, mais là, on a ouvert les vannes, comme on dit dans le jargon. La publicité est à la télé, à la radio, partout. Puis, ben, on espère que demain, les gens de Roberval vont se déplacer en grand nombre pour venir voir la super Ah, étoile ça, Samuel Girard demain. t'as 200 billets juste avec Samuel Girard. Ah, puis peut-être demain, ça va être plus parce Ouais. que c'est une bonne occasion de le voir avec les meilleurs, ce qui est différent d'un match où il domine outrageusement Samuel Girard quand il est sur la patinoire. Là, ça va être plus difficile. Les Russes, c'est d'excellents patineurs rapides. Sur la grande glace, à part de ça, ça risque de donner un très, très, très bon match demain. Puis contrairement au match des étoiles de la Ligue nationale ou ailleurs où ça frappe pas, bien, il y a un certain enjeu là-dedans. T'sais, il y a de l'argent pour l'équipe gagnante, entre autres pour les Russes, s'ils réussissent à mettre la main sur la série. D'ailleurs, ils mènent 2-1. Ce soir, c'est le quatrième match du côté d'Hamilton avant le déplacement des Russes demain matin. Il y a un enjeu là-dedans. Ça joue fort, ça joue du hockey, ça frappe. Puis bon, ben, on va espérer une victoire de l'équipe Québec ici à Chicoutimi demain soir. En parlant de Russes, j'ai Oui. lu, c'est sûr que sur Internet, il faut en prendre à laisser des différentes sources, mais j'ai lu sur un site, je me rappelle plus, mais sur un site, sur Facebook, j'ai vu ça, que ce serait pratiquement fait, Gerben-Rousseff avec les Saguenayens. Est-ce que c'est vrai? Ou bien c'est Ben. rien que des rumeurs, là? Ben pour l'instant, je suis obligé de te dire que c'est que des rumeurs, mais je me suis fait dire par au moins 32 personnes dans les deux matchs samedi et dimanche. Hey, quand est-ce qu'il s'en vient, c'est fait, puis il arrive, puis ça. Bon, moi, je parle beaucoup avec Yannick Jean, mais Yannick Jean me parle beaucoup et il me connaît. Il sait que je suis en contact avec tous les médias de la région régulièrement, puis que j'ai des bonnes relations, puis que je jase à tout le monde. probablement que je vais être la dernière personne au monde à le savoir. Honnêtement, le pape va le savoir avant moi que German Rupsov débarque à Chicoutimi. Donc, ça va être une décision de dernière minute. En fait, moi, je vais être le dernier à le savoir. Tu as plus de chances d'appeler Dave Hensley puis de le savoir avant moi. Il disait que c'était quasiment fait aussi. Ben exactement. Moi, je pense honnêtement que s'il ne viendrait pas, on le saurait déjà. Ça veut donc dire qu'il reste encore de l'espoir à l'amener ici. Yannick Jean, ce point est bullshiteux. L'organisation des Sags ont fait attention à de la façon dont on transmet l'information maintenant. Parce que, bon, nos partisans ont eu beaucoup d'attentes dans le passé, puis on veut pas les décevoir à nouveau. On veut leur donner la vérité, puis tout ça. Moi, je m'efforce de dire ce que je sais. Présentement, je peux juste te dire que c'est une rumeur. Mais bon, tout indique que oui, c'est encore possible que German Rutsoff débarque à Chicoutimi d'ici quelques semaines. Mettons qu'il viendrait, ça change-tu l'équipe complètement? Est-ce qu'on peut parler maintenant d'aspirant sérieux? Oui. Mettons qu'il est là. Danny, dans les 10 derniers matchs, les Sags ont la meilleure fiche. Puis même pas mal à travers la Ligue canadienne de hockey. Là, les Sags marchent à plein régime, marquent 4 à 5, 6 buts par match, des fois 7. La défensive va très bien malgré qu'on a beaucoup de blessures. On a réussi à encore une fois garder le bateau à flot malgré l'infirmerie qui se remplit depuis quelques semaines. Les Sags sont à pas grand-chose d'être une très bonne, sinon une des meilleures, je veux pas dire la meilleure équipe de la LHGMQ parce que ce serait chien pour les Cataractes, pour les Huskies, puis pour les Sea Dogs de Saint-Jean et même l'Armada de Blainville-Boisbriand qui surprend depuis le début de la saison. Mais les Sags sont de retour dans la course, là, sont 8e au classement général ce matin avec des matchs en main sur les équipes de tête, entre autres les Remparts puis les Cataractes de Shawinigan. Cataractes, c'est un peu plus le même nombre de matchs, là, mais les Remparts, on a beaucoup de matchs en main sur eux. Donc, les Sags sont de retour dans la course au classement sans German Rupsov. T'amènes German Rupsov, tu fais un échange ou deux et t'es devenu une des meilleures équipes dans la LHGMQ. La décision va se prendre dans les prochaines heures là, pour Yannick Jean. Est-ce qu'on est acheteur ou vendeur? Mais je pense qu'il est tenté de devenir acheteur. Tu sais, t'as des surexceptionnels. T'as une Nicolas Roy là, dans le club. Ce gars-là peut t'amener très, très, très, très loin. Définitivement, je pense, le meilleur joueur de la Ligue, présentement, Nicolas Roy dans la LHGMQ. Puis, je ne suis pas le seul à le dire. C'est pas parce que je vis et je suis payé par les Sags, mais c'est à travers la Ligue que ça commence à se dire, à se jaser. Nicolas Roy est tout un joueur de hockey. Avec lui, tu l'entoures. T'sais, il joue avec deux joueurs de 16 ans présentement, un joueur de 16 et un joueur de 17 sur son tri. Il continue à marcher plein régime. Imagine-le avec un ou deux vétérans de 18-19 ans qui marquent 20-25 buts dans une saison. Ça pourrait faire des flamèches là, sur les patinoires de la LHGMQ. Mon chum Marc, qui avait été critiqué à l'époque quand il a fait cette transaction-là. Marc Fortier, oui. Ouais. Ben écoute, au moment où il l'a fait, je n'ai pas le choix de te dire que c'était pas une très bonne transaction parce que le coût était très élevé, mais c'était ça le marché. Puis même, je sais de source sûre qu'il y a des équipes qui étaient prêtes à offrir plus que ce que Marc Fortier a offert, les trois choix de première ronde pour... il y a eu Loïc Léveillé qui a été transformé en choix par la suite, mais c'était trois choix de première ronde au total, la transaction entre les Screaming Eagles et les Saguenay de Chicoutimi à l'époque. Je sais qu'il y a des équipes qui offraient encore plus. Marc-André Dumont, le DG à Cap-Breton, avait refusé de l'échanger à ces équipes-là. Au moment où ça s'est fait, le prix était trop élevé pour Nicolas Roy. Mais au moment où on se parle, ça a été une très bonne transaction au total tout parce que c'est un joueur exceptionnel qui a malheureusement peut-être tardé à éclore. Il a eu un développement tardif dans le cas de Nicolas Roy, mais présentement, on est très, très, très content de l'avoir dans l'alignement des Saguenay de Chicoutimi. Bon, deux victoires encore en fin de semaine. Parle-moi rapidement des matchs, oui. Excuse-moi, en fin de semaine, deux autres victoires en fin de semaine. Deux très bons matchs d'ailleurs. Vendredi contre les Screaming Eagles, l'attaque qui a débloqué, c'était 6-0 après deux périodes. Ça s'est terminé 7-4. En troisième, les Sags ont peut-être. C'est bon pour l'apprentissage, là. On levait la tête un petit peu, jouait un peu moins physique. Les Eagles, eux, ont commencé à vouloir, puis la frustration qu'ils l'emportaient, puis les coups de sifflet, tout ça. Sont même marqués des buts en troisième période. Il n'aurait pas fallu que ça soit en quatre périodes, je dirais, ce match-là. Parce que je pense qu'on l'aurait perdu, mais quand même, ça a été un beau spectacle pour les partisans. Puis samedi, ça a été très serré. Le Titan avec Eddie Bathurst sont à pas grand-chose aussi d'être une très bonne équipe. Malheureusement, pour eux, ils n'avaient pas leur gardien de but régulier. Simon Boudreau-Belzile, qu'on a échangé la semaine dernière des Sags contre un choix de 11e ronde en 2018 au Titan, a très bien fait, a eu un bon départ dans la LHGMQ, un premier dans son cas. Mais bon, les Sags ont trouvé le moyen de remporter à nouveau ce match-là. Vraiment impressionné, les Sags là, qui réussissent à, comment dire, à solutionner chaque équipe. Ça fait 6 matchs de suite, là, 6 victoires de suite pour les hommes de Yannick Jean. Depuis le faux pas du côté de Bécomo. Puis ça, j'en parlais avec Yannick là, après le match, avant que les gars rentrent dans l'autobus. À quelque part, ça fait du bien parce que quand tu te mets à gagner, souvent tu prends des mauvaises habitudes. C'est arrivé avec les Canadiens aussi depuis la défaite de 10-0. Ça va plutôt bien. Une belle victoire de 5-0 hier. Si ça avait été Carey Price devant le filet, je pense qu'il l'aurait remporté contre les Blackhawks. Mais quand même, Montoya a très bien fait devant le filet du Canadien. Mais tu sais, quand tu te mets à gagner, souvent tu prends des mauvaises habitudes. Puis un petit rappel à l'ordre par une défaite peut-être humiliante, ça aide à faire passer les messages du côté des entraîneurs. Puis on le voit, les résultats sont là, les 6 matchs de suite avec une victoire pour les Sags. Puis ça pourrait se poursuivre en fin de semaine prochaine, le samedi du côté de Victoriaville et dimanche du côté du Centre Vidéotron à Québec. Là, il y a 4 matchs sur la route avant de revenir au Centre Georges Vézina. Le mardi, je pense que c'est le 28 novembre là, contre les Olympiques de Gatineau. Par la suite, ça va être bien sûr, on retourne sur la route, puis début décembre, là, on a plusieurs matchs à la maison. Ça va être un calendrier serré jusqu'à la période des fêtes, jusqu'à la période des transactions. Mais je pense que la balle est dans le camp des joueurs. S'ils veulent que Yannick Jean soit acheteur, ils ont juste à continuer à aligner quelques victoires de suite. Puis je pense que le coach n'aura pas le choix de parler à son DG, qui est le même, et de lui dire « on fait les trades pour nous mettre acheteur et d'être très compétitif au fait. » En terminant, j'écoute beaucoup les radios à Québec. Puis Mario Hudon, au FM 93, a fait une ligne ouverte vendredi sur... les foules dans la Ligue de hockey junior du Québec. C'est sûr que les remparts, c'est problématique, mais il expliquait que c'est problématique partout. Il y a un qui Shawinigan, je pense, qui sont légère hausse. Le reste, c'est tous en baisse. C'est quoi à peu près le chiffre là, pour que les équipes, au moins, soient, on pourrait dire, fassent leurs frais sans faire d'argent? Avec Kevin. À partir de 2200 de moyenne, tu peux commencer à avoir un budget d'opération honnête pour faire tes frais à la fin de la saison. Mais c'est pas chaque équipe qui a les mêmes budgets. C'est un budget semblable. Il n'y a pas le budget tout pareil, mais semblable, mettons. Ben, tu sais, les Québec en mettent peut-être un peu plus. Halifax, ouais. Moncton, parce qu'ils ont des propriétaires un peu plus riches. Mais les équipes de la LHGMQ, là, c'est entre 2 millions et 2,5 millions par année de budget d'opération. Il y en a que c'est en deçà de 2 millions, okay. Des marchés un peu plus petits. Mais nous autres, les SAG, c'est entre 2,2 et 2,5 millions par année, les coûts d'opération des Saguenay-Chicoutimi, les voyages, les études et tout ça. Pour faire les frais, c'est entre 2200 et 2500, puis 2700, mais là, tu commences à faire des profits. Ça va venir avec le temps. Sauf qu'il y a plusieurs moyens de faire de l'argent. T'sais, c'est pas juste des revenus de billetterie. Oui, la billetterie est payante, mais les revenus publicitaires, puis ça, de ce côté-là, les SAGs, c'est une légère augmentation par rapport à l'an passé, les ventes publicitaires, les ventes corporatives. Donc, ça, c'est en progression, tandis que les assistances sont légèrement en baisse, mais on compte sur les performances du club. T'sais, à un moment donné, là, quand on va acheter des joueurs peut-être au fait, amener le russe, l'équipe qui se met à gagner, classement général et tout ça, ça va être le meilleur élément pour ramener les gens au Centre Georges Vézina. Pas mal convaincu qu'on va être 2500 à tous les matchs là, à partir des fêtes, puis après ça, ça va frôler le 3000, puis vers la fin de la saison, on pourrait avoir des 3500-4000 au Centre Georges. Okay. Le fait que les matchs, parce que là, de moins en moins de matchs, de plus en plus de matchs sont radiodiffusés sur Internet. Toi, t'en es là-dedans. À Québec, ils n'ont même plus de diffuseurs. Avant, c'était Rick Lutier était sur une radio traditionnelle tous les matchs. Là, maintenant, il est sur Internet. Est-ce que ça nuit? Oui et non. Il y a l'école de pensée qui dit que, bon, quand les matchs sont trop disponibles à la radio ou à la télé, ben les gens se déplacent plus pour les voir. Mais en même temps, je vous dis, à la radio, c'est peut-être moins problématique. Le problème des radiodiffuseurs maintenant, c'est que les décisions se prennent dans des grandes tours, dans le centre-ville de Montréal et même à Toronto dans certains cas. Je pense que nous, à Chicoutimi, on a été très chanceux. Malgré le fait qu'il y a de la critique parce que les matchs locaux ne sont pas diffusés à la radio, les 34 matchs sur la route plus les séries éliminatoires pour un radiodiffuseur comme Énergie qui est spécialisé dans la musique et un hybride un peu avec certains marchés où c'est un peu plus parlé, mais à Chicoutimi, c'est encore très musical. Pour eux, c'est un risque de briser la courbe musicale puis de déranger peut-être leur auditoire, mais ils l'ont fait puis ils ont investi avec les Saguenay de Chicoutimi pour la prochaine saison. À Québec, ils ont essayé, ils sont pas capables de bloquer du temps d'antenne de qualité dans une radio commerciale pour le reste de la saison. C'est pourquoi les matchs sont seulement sur le site de la LHGMQ. Pour une ville comme Québec, c'est un peu décevant. Quand on voit l'Armada qui, eux, bon, réussissent à faire un contrat avec la 91-9 du côté de Montréal, mais eux, c'est seulement les matchs à la maison, donc pas sur la route. Ici, à Chicoutimi, bon, on a préféré servir l'auditoire sur le grand territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les matchs sur la route qu'à la maison, où les gens peuvent se déplacer, exactement. Mais bon, il y a plusieurs marchés où ça s'en va vers l'Internet. À Sherbrooke aussi, c'est seulement sur Internet maintenant. Bon, c'est les radiodiffuseurs qui décident. C'est difficile économiquement dans plein de marchés. Les gens ne veulent plus nécessairement investir dans les projets radiophoniques. Donc, on verra pour la suite des choses. Nous, à Chicoutimi, on est très contents de où est-ce qu'on s'en va avec le contrat de radiodiffusion. Okay. Donc, on va se concentrer sur nous autres, mais pour Québec, effectivement, c'est très décevant qu'il n'y ait pas de radiodiffuseur cette année. Est-ce qu'il y a un plan, est-ce que tu entends parler, est-ce que je sais que Ray et Lalonde, puisque j'écoute la 98.5, ils travaillent avec la Ligue Junior du Québec pour essayer de trouver des solutions si jamais les foules baissent. Est-ce que tu entends parler qu'on va arriver avec des solutions à moyen terme à travers la Ligue si les foules baissent? Ben, j'imagine que ben ça, en fait, on va être les. C'est décidé au bureau de la LHJMQ. Ouais. J'imagine que dans les rencontres de gouverneurs, il y a toujours un détail ou quelque chose, puis un retour sur ce que Ray Lalonde a fait comme recommandation. Bon, la Ligue va prendre, j'imagine, moi je leur fais entièrement confiance aux gens de la Ligue, il y a des bonnes personnes là à la tête de la LHJMQ. J'imagine qu'à chaque jour, on se lève en se disant « Tabarnouche, les assistants sont en baisse, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les assistances ?» Mais c'est un travail qui sera à long terme. Je pense que le contrat de télévision est excellent pour la LHJMQ, va donner une belle visibilité. TVA Sports font quand même du très bon boulot en étant télédiffuseur, malgré le fait que RDS n'a pas les droits de radiodiffusion. Le travail de Stéphane Leroux offre une visibilité à la LHJMQ qui est excellente, voire super excellente même. Bon, on est bien couvert par les médias nationaux aussi. C'est sûr qu'il y a peut-être une iniquité pour certains marchés, mais je pense que ça va être un travail à long terme. Puis c'est plus une raison économique, puis de gestion du temps, puis de la façon dont les familles sont bâties présentement, où c'est difficile de garder pour 68 matchs dans une saison. Ça va être plus ponctuel. Il va falloir vendre des séries de 10 puis de 15 matchs, des billets de saison de fin de semaine seulement. Un peu comme les abonnements de golf. T'sais, les terrains de golf ont dû se renouveler pour attirer des memberships. Dans les dernières années, mais les équipes juniors, ça va être la même chose, puis c'est là-dessus qu'on travaille présentement. Sébastien Morin, un gros merci. On s'en reparle lundi prochain. Toujours un plaisir. Salut. Le descripteur des matchs des Saguenay, Sébastien Morin.